mon amour, et que cette alliance soit pour nous un moment que nous allons passer avec toi. David, mon bonheur, je te sers cet anneau en signe de mon affection. Je t'aime, chérie.